Au comble de l'effroi et du scandale qui venait d'éclater, la pauvre Josie, qui s'était évanouie, reprenait peu à peu ses sens dans les bras d'une voisine qui la soutenait vigoureusement. Quand Amélie avait enfin lâché Bernard, Annette avait disparu. Il ne restait au sol qu'une enveloppe boueuse piétinée, au milieu des feuilles mouillées qui jonchaient les trois passages entre deux tombes anonymes. Amélie s'en était emparée et ne l'avait ouverte qu'une fois rentrée chez elle. Elle avait ressenti le besoin d'être seule, de faire le vide, après la perte de son frère qu'elle avait toujours chéri, et l'esclandre honteux de son neveu au cimetière, devant la tombe encore ouverte du cher disparu. La missive était courte. « Ma très chère Amélie, je suis venu au cimetière vous ramener les clés de Marcel, espérant éviter toute rencontre fortuite avec Bernard, pour ne pas gâcher le souvenir de celui que nous avons tant aimé. À mon âge, c'était inespéré. J'avais retrouvé le goût et la joie de vivre. Auprès du Colpi, j'étais quelqu'un d'autre, mais cela n'a été que de courte durée. Je ne l'oublierai jamais. Me voilà seul, à nouveau, comme abandonné, sur un quai de gare désert, avec mes souvenirs et mes regrets. Alors, je quitte définitivement Marseille, où dorment maintenant mes deux hommes. Mais je penserai encore longtemps à vous et à la rue des Acacias, où j'avais retrouvé un bonheur que je n'attendais plus. Je t'embrasse. Annette.